ces demoiselles s'effrayaient. Négrel commençait à flairer quelques bagarres dans la campagne frémissante. Et ce fut un soulagement lorsqu'on arriva enfin à Marchienne. Sous le soleil, qui semblait les éteindre, les batteries des fours à coque et les tours des hauts fourneaux lâchaient des fumées, dont la suie éternelle pleuvait dans l'air.